Sixièmement, elle entra. Sa lanterne éclaira le dedans du noir logis muet au bord des flots grondants. L'eau tombait du plafond comme des trous d'un crible. Au fond, était couchée une forme terrible. Une femme immobile et renversée, ayant les pieds nus, le regard obscur, l'air effrayant. Un cadavre. Autrefois, mère joyeuse et forte, le spectre échevelé de la misère morte, ce qui reste du pauvre après son long combat. Elle laissait, parmi la paille du grabat, son bras livide et froid et sa main déjà verte pendre. Et l'horreur sortait de cette bouche ouverte d'où l'âme en s'enfuyant, sinistre, avait jeté ce grand cri de la mort qu'entend l'éternité. Près du lit, où gisait la mère de famille, deux tout petits enfants, le garçon et la fille, dans le même berceau, souriaient, endormis. La mère, se sentant mourir, leur avait mis sa mante sur les pieds et sur le corps sa robe, afin que dans cette ombre où la mort nous dérobe, ils ne sentissent pas la tiédeur qui décroît, et pour qu'ils eussent chaud pendant qu'elle aurait froid.